Of thinking of tomorrow. Nonchalant, diamond shining, dancing. Bonsoir, il est le jeudi 19 janvier, vous écoutez Radio Campus, vous écoutez Soigne des Gauches, vous écoutez Angle d'attaque, tout ça sur 106,6. Eh bien, nous allons commencer l'année, une année particulière puisque c'est l'année de l'élection présidentielle et dans la foulée des élections législatives. Elle commence bizarre cette année avec... deux annonces un peu, qui d'un point de vue économique ne sont pas sans problème. La première est un gag. Notre président a décidé de se rallier à la taxation des transactions financières. On le prendra pour un gag et on ne va pas se passer trop de temps là-dessus. La deuxième, peut-être plus importante, la France a perdu un A dans les trois A. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est difficile de le dire de façon ramassée, de façon rapide, mais ce qu'on peut dire rétrospectivement, c'est la chose suivante. La perte d'un A, c'est passer de 20 sur 20 à 19 sur 20. En fait, c'est 20 sur 21, puisque les critères de Standard & Poor's, enfin l'agence de notation qui nous fait le plaisir de s'occuper si bien de nos affaires, a 21 échelons, en fait, qui vont de A à plus, comme tout chacun sait, à D. Je crois qu'il n'y a que la Malaisie qui doit avoir D. Bon, à part ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France va emprunter plus cher ses emprunts et va s'écarter un peu plus du taux d'emprunté par l'Allemagne. Donc, une année qui commence bizarrement, une année aussi qui commence par la récession. L'INSEE nous a prévenu, deux trimestres de récession, ça fait deux trimestres de croissance négative, ça fait de la récession. Antoine n'a pas manqué cette année, en début d'année, lorsqu'on a préparé cette émission, de nous dire que c'était les 10 ans de l'euro. Merci Antoine. On l'avait quasiment oublié. Il y a maintenant 17 pays qui font circuler de l'euro. Et à propos de l'euro, il va quand même falloir faire remarquer à Jacques Attali que l'euro n'a pas disparu, contrairement à ce qu'il avait prévu lui. Mais c'est curieux, aucun journaliste qui l'interviewe, parce qu'on continue de lui mettre le micro sous le nez, ne lui rappelle cette petite anecdote qu'il a oubliée, effectivement. Bon, alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, on va faire comme mes camarades le réclament sur l'air des lampions. Je vais vous présenter nos vœux. Merci. Bonne année. Bonne année. Merci. Donc, allons-y. On va présenter nos vœux. On l'a déjà fait des dizaines de fois sur Radio Campus, certainement. Mais vous n'avez pas encore eu ceux d'attaque. Alors, allons-y. Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Campus 106,6, de Soigne ta gauche et de Angle d'attaque, recevez aujourd'hui les vœux de l'équipe d'Angle d'attaque pour l'année 2012. Qu'est-ce que nous vous souhaitons ? Devinez. Allez, je réponds, le changement, en toute lucidité bien sûr, cette année d'élection présidentielle et législative, est-ce que ça va changer quelque chose ? Il faut quand même que ça change, non ? Bon, voilà. J'en dirai pas plus. Mais quand même, notre petite équipe va essayer de se mettre en campagne et va prendre part au débat. Ce qui signifie, primo, on ne va pas vous dire pour qui voter, ni même pour qui nous votons. Ce n'est pas notre rôle. Mais que, secondo, nous continuerons de vous soumettre les analyses et les propositions d'attaque et de nos amis proches. C'est ça le rôle d'éducation populaire que nous revendiquons. Tertio, après tout, c'est vous qui êtes dans l'isoloir, c'est pas nous. Ces fortes paroles pour annoncer le programme des quatre émissions qui précéderont le premier tour, à savoir le 22 avril. Programme d'émissions utile au débat, évidemment. Le troisième jeudi de chaque mois, évidemment. Les banques en janvier, on en parle tout à l'heure. Le nucléaire en février avec des spécialistes. La dette de l'État, en mars, juste avant le premier tour, nous revenons, en avril, donc nous revenons sur ces trois points cruciaux, avec débat public le lundi qui suit l'émission, soit le quatrième lundi du mois. Tout ça calendrier sur le blog. Nous gardons la même structure des 60 minutes pour cette nouvelle année, on ne change pas tous les ans comme les radios connues. Aujourd'hui donc, le 19 janvier, nous allons commencer par 1. René nous parle de l'actualité d'Attaque. 2. Le même René avec Germain, Xavier et Antoine, et moi-même d'ailleurs, vont parler des banques et plus particulièrement de ce travail d'interrogation sur les banques qui a été réalisé en 2011, conjointement par Attaque et les Amis de la Terre. 3. Nos lectures. Et 4. Les rendez-vous d'Antoine, bien sûr, à ne pas manquer. L'actualité donc à angle d'Attaque, c'est René qui va commencer par le niveau national. René, je t'écoute, nous t'écoutons tous religieusement. Bien. Dans le cadre de la campagne collective pour un audit citoyen de la dette publique, action à mener contre le nouveau traité européen intégrant la fameuse règle d'or et qui devrait être adoptée en mars. Et c'est quoi cette règle d'or ? Là, tu nous rappelles bien un peu ? Oui. Elle contraindra les États à limiter leur déficit de manière drastique, entre 0 et 0,5% du PIB, produit intérieur brut, et ouvrira ainsi la porte à l'austérité permanente. Oui, d'autant qu'il y a encore une contrainte supplémentaire, c'est que les budgets, il est prévu que les budgets nationaux seront surveillés par la Commission européenne. Une réunion nationale des collectifs locaux s'est tenue le 14 janvier à Paris pour un appel à la mobilisation de tous les citoyens. Le dimanche 15 janvier s'est tenue à Paris la journée des alternatives, série de conférences organisées en commun avec Attaque et Mediapart, intitulée « Leur dette, notre démocratie », avec la participation des indignés, d'Occupy Wall Street, de Stéphane Hessel et Suzanne Georges. Du beau monde. Alors, ensuite, donc, il y a le printemps de service public, c'est en mars 2012. À l'initiative du Comité national pour les états généraux du service public, auquel participe Attaque. Il a été décidé de faire converger les différentes mobilisations et campagnes, telles que l'appel des appels, les économistes atterrés. On y reviendra tout à l'heure sur les économistes atterrés, merci. L'audit de la dette, le CADTM, etc., dans un cadre commun. Ça va s'appeler le printemps du service public. Le Forum alternatif mondial de l'eau, le FAM, que j'avais déjà évoqué en décembre et qui se tiendra du 9 au 18 mars à Marseille. Il entre dans le cadre du printemps des services publics également. Ils ont bien besoin de printemps, les services publics. Le sommet des peuples pour la justice sociale et environnementale, c'est le Rio plus 20, c'est ça ? C'est ça. 20 ans après le premier sommet à Rio, en juin 1992, qui dénonçait l'emballement du réchauffement climatique et l'augmentation de la pollution. Donc ce sommet sera le contrepoint du sommet de la Terre des Nations Unies qui se déroulera à Rio de Janeiro du 15 au 22 juin 2012. Bon, alors est-ce qu'on va vraiment passer... avec ce qui s'est passé à Durban, on est vraiment dans le doute sur ce qui peut arriver et ce réchauffement climatique qui nous menace. J'ai l'impression qu'on est quand même un peu mal parti. Oui. Mais même si cela ne change rien, nous devons être présents pour montrer qu'il existe une opposition et des alternatives aux choix officiels. Ok, on va passer au plan régional, René. Oui, alors deux initiatives majeures pour ce premier trimestre 2012. Questionnaire ou formation politique locale, donc... ce qui est une version locale du questionnaire d'Attaque nationale. Il a été envoyé début décembre aux formations politiques. Nous en avions déjà parlé au cours des émissions précédentes. Nous attendons les retours pour pouvoir organiser des réunions publiques et faire connaître les réponses des différentes formations. Le Front de gauche a répondu, je sais. Bien. C'est déjà quelque chose. L'audit citoyen de la dette publique, à l'initiative, rappelons-le, de Jean Gadret, que nous avons intitulé « Assises citoyennes », C'est un collectif réunissant 12 associations. Pour le moment, René, pour le moment. Il y en a d'autres qui vont se joindre à nous, c'est certain, ça. C'est exact, il faut l'espérer. Une première réunion a eu lieu le 4 janvier au Café Citoyen. La prochaine est prévue le jeudi 2 février à la Mresse Salle Agora. Association de la Métropole, merci de nous rejoindre. Et en préparation, une conférence débat le samedi 17 mars 2012 dans l'après-midi à Lille. Nous... Et il y a d'autres projets, René. Ah, tu voulais terminer? Oui. Nous ne connaissons pas encore la salle. En principe, ce devrait être la maison d'éducation permanente, mais effectivement, il y a un petit doute. D'accord. Et bien sûr, suite à cette conférence débat, d'autres actions sont prévues. Oui, alors ça, tu as raison de le dire, parce qu'on ne va pas s'arrêter après le 22 avril, ni après le 6 mai d'ailleurs. Oui, et même avant, il n'est pas exclu que nous organisions manifestations, réunions publiques, etc. Alors, René, tu as parlé de femmes, et il y a une déclinaison locale, si je ne m'abuse. Oui, disons que nous avons là aussi d'autres projets. Alors, un travail sur le thème de l'eau. Donc dans le cadre du FAM, bien sûr, pour rappel, Forum Alternatif Mondial de l'Eau, en mars 2012 à Marseille. Chez nous, c'est aussi dans le cadre du renouvellement de la concession pour la métropole lilloise, qui est prévue pour 2015. Et justement, la communauté urbaine doit organiser un débat public à l'automne 2012. Donc... C'est créer donc un collectif pour le retour en régie publique de l'eau, auquel nous commençons à participer. Oui, il y a quelques exemples historiques maintenant sur les régies publiques de l'eau. Un certain nombre de communes s'y sont mises et elles servent de modèle. Et puis René, oui, et quand même dire que la semaine du développement durable sera consacrée à l'eau aussi en mars-avril, je ne sais plus bien, mais on y reviendra. Et nous, René, qu'est-ce qu'on fait, nous, à Attaque Lille ? Alors, toujours par rapport à la campagne banque et notre engagement dans l'agenda 21, là, nous comptons poursuivre notre action pour amener les banques à une attitude plus citoyenne. On est gonflé quand même, on va demander ça. Mais on a quand même maintenant des éléments avec le questionnaire dont on va parler tout à l'heure. On va d'abord faire une petite coupure musicale. Trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda y de mierda. Y a todo ello yo digo no, y a todo ello yo me resisto, ¿verdad? We have to aim to change the political systems themselves, because as long as these kind of people are in power, no matter how many people we mobilize on the streets, they will not listen. La mondialisation, elle n'est juste que la préparation des conditions d'assassinat des peuples. Le nouveau esclavage, il est là-dedans, la nouvelle colonisation, elle est là-dedans, frère. C'est quand ils nous voient tous nous bagarrer pour acheter leur terre. Et que c'est vraiment l'utopie de croire que ceux-ci auront un jour la conscience de penser un peu au bien-être de la société. L'organisation, ça reste au niveau économique et politique. On ne parle jamais des gens en tant que peuple. Donc maintenant, il faut se réveiller, il faut se réveiller. Il y a des petits espaces de liberté, il faut rentrer dedans, il faut pousser les murs. Es una lucha constante, una lucha transformadora, una lucha renovada que se basaría no en la violencia, sino en la palabra. Mondialisation invisible. Esta ley es también, en su concepción, una toma de posición. Es decir, una definición. Esto es hoy, en este lugar, con este tiempo y con este espacio. Mais la vérité, c'est regarde une seconde, quand est-ce que ça marche? Quand est-ce que ça avance? Ça avance quand on est ensemble. Cette jeunesse soit une jeunesse de révolution et non une jeunesse de révolté. Alors, pour qu'il y ait cette révolution, il faudrait que cette jeunesse puisse prendre conscience que l'avenir est entre leurs mains. Voilà, donc, deuxième partie et morceau de choix pour cette deuxième partie. Nous allons passer au questionnaire des banques. C'est Xavier qui va s'y coller. Et on va peut-être faire un point d'abord sur l'histoire. On a beaucoup parlé de financiarisation de l'économie. René, est-ce que tu pourrais nous faire un point là-dessus pour qu'on comprenne un peu le contexte dans lequel ce questionnaire sur les banques a été lancé? Bien sûr. Donc, plusieurs raisons à la situation que nous vivons actuellement. Alors, premièrement, le triomphe de l'idéologie néolibérale à la fin des années 70, que l'on peut résumer en deux points. La politique de l'offre au détriment de celle du soutien à la demande et le recul du rôle régulateur et redistributeur de l'État. Deuxièmement, la mutation du secteur financier. Sous l'effet de la globalisation, c'est-à-dire la création d'un marché financier mondial, unifié et décloisonné, au sein duquel les banques, en développant leur secteur de financement-investissement, vont devenir des acteurs majeurs, et dont la titrisation est un effet pervers, en permettant la transformation des créances en titres financiers et l'apparition du marché des produits dérivés. René, je voudrais bien faire un point là tout de suite sur cette question de titrisation. Hein. Oui, oui. Un point rapide. Hein. À supposer, par exemple, qu'une entreprise veuille s'inscrire en bourse, hein, elle va devoir montrer ses comptes. Elle va devoir être cornaquée, chaperonnée par une banque. On va contrôler, y compris la moralité, si mes chiffres sont exacts, du propriétaire de l'entreprise. Et tout cela est fait sous la direction de l'autorité des marchés financiers. Eh bien, pour les banques qui vont titriser leurs créances, comme vient de le dire René, eh bien, il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucune autorité de contrôle. Les banques décident elles-mêmes. Et ça, c'est un effet exact de ce qu'on appelait la dérégulation. Les banques font ce qu'elles veulent jusqu'au moment où ça ne va pas bien. Excuse-moi René, mais je voulais dire ce petit point. D'accord. Et enfin, le troisième point, en Europe, adoption du traité de Maastricht. Création de l'euro et des modalités qui l'accompagnent. Une banque centrale indépendante de la politique des États, dont le rôle essentiel est la lutte contre l'inflation, qui ne peut ni emprunter, ni prêter aux États membres, obligeant ceux-ci à recourir au marché. Les préceptes néolibéraux vont entraîner une stagnation, voire une contraction des revenus des classes moyennes et modestes, qui auront de plus en plus recours au crédit, notamment immobilier, jusqu'au point de rupture, la crise des subprimes et la chute de Lehman Brothers aux États-Unis. Sous l'effet de la titrisation et de la globalisation, financière, cette crise va s'étendre au monde entier, mettant en péril l'ensemble du secteur financier, et les banques en particulier, ainsi que l'économie réelle, ce qui a obligé les États à intervenir et à s'endetter auprès des marchés jusqu'à aggraver leur déficit et subir le chantage de ces mêmes banques. Voilà, donc merci René pour cette historique. Vous voyez que c'est pas quelque chose de tout à fait réjouissant, mais je pense que c'est la réalité que Attac analyse dans ses écrits, dans ses articles depuis 1998. Et on est dans des situations un peu paroxysmiques. On va passer maintenant au thème central de ce soir, le questionnaire. Et oui, le questionnaire qui a lancé. Qui s'appelait « À nous les banques ». Oui, c'est Xavier. La campagne « À nous les banques », campagne commune entre Attac et les Amis de la Terre. Alors cette campagne s'est ouverte en avril 2011 et s'est ouverte par l'envoi aux principaux groupes bancaires opérant en France du questionnaire, donc d'un questionnaire comprenant 26 questions. L'objectif est ici d'évaluer, de noter et de classer les banques sur la base de leurs pratiques en matière de spéculation, de relations avec les salariés, de relations avec les clients, d'impact environnemental et social des activités qu'elles financent, et enfin de démocratie. Alors j'ai prélevé des exemples de questions pour illustrer un petit peu le contenu du questionnaire. Donc j'en ai trois que j'aime bien. Quel est le montant des bonus et stock options distribués ces trois dernières années? Quel est le montant des commissions prélevées sur vos clients ces trois dernières années? Quel est le montant des émissions de gaz à effet de serre, induites par les projets que vous financez? Donc c'est des questions directes, on va dire. Hein. Voilà, c'est des questions directes. Le questionnaire a été envoyé aux 10 banques et groupes bancaires suivants, donc on va dire tout le monde. Je suis certain que vous avez un compte bancaire chez l'un d'entre eux. BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Banque Populaire Caisse d'Épargne, Banque Postale, Crédit Mutuel CIC, HSBC, Dexia, Crédit Coopératif et la Nef. C'est mon compte, hein, Crédit Coopératif. Bravo. Moi aussi. Ah oui, voilà. Des gens conscients. Bravo. Elles avaient, ces banques, 2 mois pour répondre. Donc deux d'entre elles n'ont pas répondu du tout. Le Crédit Mutuel CIC n'a pas répondu et l'écureuil de la Caisse d'Épargne a dû manger le questionnaire parce qu'on n'a pas de nouvelles d'eux, quoi. Donc les huit autres banques ont répondu en temps et en heure, en juin, et d'ailleurs elles ont même continué à répondre pendant le courant de l'été pour parfaire leur réponse. Avaient-elles mauvaise conscience? Eh ben, effectivement, le 80% de réussite dans une demande émanant d'une association altermondialiste, c'est pas mal. Donc il y a peut-être aussi, effectivement, un effet d'enseigne, un effet de marque, et elles ont envie d'avoir une bonne image, en tout cas une pas trop mauvaise. Alors, l'analyse est effectuée en deux temps. Dans un premier temps, il s'agissait de noter les banques non pas sur ce qu'elles font, mais sur la volonté qu'elles ont de cacher ou pas ce qu'elles font, c'est-à-dire sur leur degré de transparence ou d'opacité. Leur bonne foi, en quelque sorte. Voilà. Alors on peut télécharger ce rapport et le suivant dont on va parler tout à l'heure sur le site d'Attaque France et sur celui d'Attaque Lille. Alors je vous donne le résultat de ce rapport sur la transparence. On s'était noté sur 46 points, comme à Danse avec les Stars. Donc 46 sur 46, Crédit Coopératif et la Nef, donc ils sont totalement transparents. Ensuite, on a un tiers groupé entre 34 et 38 points pour les autres banques, les 8 autres qui ont répondu. Donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller sur le site pour télécharger ce long document bien copieux. Et enfin, donc je rappelle, surtout très important, Banque Populaire Caisse d'Épargne, une banque mutualiste et le Crédit Mutuel qui est... éponymiquement, je ne sais pas si ça se dit, mutualistes n'ont pas répondu. Donc là, ils ont zéro. Désolé pour ces banques-là. Alors, nous avons publié, en tout cas, les instances dirigeantes, enfin à Paris, ils ont publié le mois dernier un second rapport, cette fois-ci après avoir analysé les réponses données par les banques. Alors c'était ici l'occasion de voir si les banques les plus transparentes sont aussi les plus vertueuses. Nous avons épluché ce rapport, et le rapport produit par Attaque et les Amis de la Terre, et nous allons vous dire ce qu'il en est des pratiques bancaires actuelles, ainsi que de nos préconisations. Alors René, de quoi traiter les questions sur le thème de la spéculation? C'est exact. Donc ce thème comporte 4 questions portant sur la présence dans les paradis fiscaux et judiciaires, l'importance de la banque de financement-investissement ou département financement-investissement, le montant des bonus et stock-options, la rémunération des actionnaires. Ces questions ne concernent pas, ou de manière très marginale, la Nef, le Crédit Coopératif, qui sont des banques éthiques et sont motivées par d'autres logiques que celles du profit financier exclusif? Exact. Alors pourquoi ces 4 questions? La globalisation financière a poussé les banques à développer leur département de financement-investissement. Mais ce qu'on appelle aussi salle de marché. Voilà. Ce secteur recèle des activités très lucratives, par exemple les prêts aux États, dont on parle beaucoup en ce moment, ou les fonds spéculatifs. Mais c'est aussi ce secteur qui fait courir le plus de risques aux banques. On l'a vu en 2008 avec la crise des subprimes, et cet été avec la chute de leur valeur boursière, les opérateurs financiers estimant les banques françaises trop exposées. Alors, pour les grands groupes bancaires privés, Société Générale, BNP Paribas, etc., ou mutualistes comme le Crédit Agricole, l'activité de marché représente en moyenne entre 20 et 35% du produit net bancaire. Ça peut être plus aux États-Unis, hein, même sensiblement. Hein. Mmh. Les bonus et stock-options sont calculés en fonction des résultats financiers et boursiers et poussent donc les bénéficiaires, c'est-à-dire souvent les traders et les hauts dirigeants, principalement, à prendre des risques de plus en plus souvent inconsidérés pour augmenter, bien sûr, leur rémunération. Oui, d'autant qu'il n'y a pas de malus. Hein. Quand ils gagnent de l'argent, ils ont des bonus, mais quand ils perdent de l'argent, ils n'en perdent pas eux. C'est exact. Et il faut souligner que cette part est la part la plus importante de leurs revenus. Aussi. Là, dans l'ensemble, à cette question, l'ensemble des banques ont répondu de manière plutôt évasive, voire opaque. Visiblement, la question dérange. Un autre facteur de risque, une politique trop favorable aux actionnaires. Les banques leur versent une part importante de leurs profits au détriment des fonds propres et donc de leur stabilité. Alors, pour les grandes banques françaises, le montant des dividendes versés aux actionnaires représente environ 5% du produit net bancaire. Enfin, les banques ont développé de nombreuses filiales dans les paradis fiscaux, qui sont, nous le rappelons, Qu'est-ce qu'on appelle un paradis fiscal exactement maintenant? C'est le Luxembourg, Jersey-Guernesey, c'est... Alors, justement, certains ont été blanchis par les normes de l'OCDE que le G20 a adopté en 2009. Mais en fait, ces normes sont très laxistes, sans rentrer dans les détails. Tu veux dire élastique. Oui. Disons que, par exemple, une organisation comme le Tax Justice Network recense encore actuellement plus de 60 paradis fiscaux et judiciaires ou territoires opaques. Voilà. Et Bercy n'en recense que 12. Et de toute façon, un paradis fiscal ne peut pas être dans l'Europe. Il faut savoir ça. Oui. Oui. Donc le Luxembourg n'est pas un paradis fiscal au sens de... Monaco, donc. Monaco ne fait pas partie de l'Europe. Mais non, le Luxembourg n'est pas considéré comme un paradis fiscal. Et le plus grand paradis fiscal, qui est la City de Londres, ne fait pas partie des paradis fiscaux. En revanche, les îles qu'il contourne, oui, un petit peu. Merci pour la précision, c'était nécessaire. Bien. Donc les banques, bien entendu, se sont référées aux normes de l'OCDE. Donc, leur présence dans les paradis fiscaux y apparaît comme marginale, voire inexistante. Mais à titre d'exemple, par exemple, BNP Paribas ne détiendrait plus aucune filiale dans les paradis fiscaux, selon les normes OCDE, bien sûr, mais selon les normes de Tax Justice Network, aurait encore plus de 347 établissements. Et on a vu dans l'émission du mois de... d'octobre, il me semble qu'il y a 1500 salariés de la Société Générale Luxembourg. Mmh. Merci René. Moi, de mon côté, j'ai épluché le thème de des politiques commerciales des banques. Donc, politique commerciale vis-à-vis des salariés, d'une part, des clients, particuliers comme entreprise, et du financement de l'économie solidaire et sociale. Donc, comme type de question, il y avait essentiellement comment rémunérez-vous vos conseillers clientèle en fonction des objectifs? Faites-vous du crédit revolving ou financez-vous les PME? Quelle est votre part de financement de PME dans votre financement d'entreprise et quelle est la part des projets d'économie sociale et solidaire dans ce financement? Tu fais un point sur le crédit revolving? Alors le crédit revolving, c'est le crédit sans objet. C'est ça, hein? C'est ça, oui. Ça veut dire que lorsque vous faites un crédit pour acheter une voiture, pour acheter une maison, on a l'objet qui est connu. Et le crédit revolving, c'est un crédit permanent qu'accorde la banque, évidemment, à des taux qui n'ont rien à voir avec les autres, avec les crédits de consommation normales. Voilà, simplement. Alors, on peut commencer par les crédits revolving. Donc, ces crédits trois banques ne proposent pas de crédit revolving. La Banque Postale, le Crédit Coopératif et la Nef. Les autres le pratiquent, grosso modo, autour de 15% l'an. Donc, Attaque et les Amis de la Terre préconisent évidemment d'interdire le crédit revolving. Oui, crédit ouvert sans but renouvelable, tout le temps, une des causes du surendettement. Bah, absolument. Voilà, bah, c'est surtout la faiblesse des rémunérations, des salaires, des revenus qui oblige à couvrir le... Le crédit de la personne qui s'endette, en fait. Voilà. Alors, concernant le mode de rémunération des conseillers clientèle, donc, toutes les banques fixent des objectifs de vente individuels et collectifs à leurs commerciaux. Donc, commercial, c'est celui que vous avez en agence. Hein. C'est votre interlocuteur. Ils sont tous commerciaux. Seule la nef ne rémunère pas ses commerciaux en fonction de la réalisation ou non des objectifs. Donc c'est pas parce qu'il n'atteint pas les objectifs fixés au début de l'année qu'il va perdre une partie de son salaire. Ça part variable. Il n'en a pas. Par contre, toutes les autres, oui. Si les objectifs ne sont pas réalisés, le salarié peut ne pas toucher 25% de sa rémunération. Ça peut atteindre 25%. 25%, oui. Donc, il y a une certaine motivation. Forcément, on se doute qu'il y a eu des dérives. On se souvient notamment du scandale des actions Natixis, qui avaient été vendues sauvagement à tous les clients Banque Populaire et tous les clients Caisse d'Épargne, et qui avaient perdu 95% de leur valeur en 6 mois, quelque chose comme ça, en 2008. Ce qui fait que tous les clients s'étaient vus conseiller, quelle que soit leur situation, ce type de produit, et avaient perdu la totalité de leur épargne. Et ça existe. Oui, c'est-à-dire qu'on ratisse le plus large possible, en fait. Hein. Voilà. Alors, les objectifs de vente peuvent aussi être collectifs, et là, c'est encore pire, c'est-à-dire que avec le commissionnement collectif, le fait de ne pas recommander certains produits pénalise l'ensemble de l'équipe. Et donc là, vous avez la pression de l'équipe en plus. Donc la hiérarchie et les collègues. Alors, évidemment, nous préconisons l'interdiction du commissionnement individuel et collectif des conseillers de clientèle. C'est quelque part de l'autocontrôle entre salariés. On peut appeler ça comme ça, oui. J'imagine que ça dépend du fait... Enfin, je dirais que ça dépend de la manière... De la façon... La manière de communiquer les résultats des autres. Est-ce qu'on peut voir le résultat des autres? Voilà. Je ne suis pas certain. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tu vois... Toi, tu connais tes résultats. Tu connais les résultats du groupe. Et donc, tu vas supputer... Tu vas imaginer que c'est lui ou c'est l'autre qui ne les fait pas. Tu vois, donc, ça met une bonne ambiance, généralement. Oui, on rappelle quand même un point sur la souffrance au travail, hein, qui est plus nette dans certaines banques qu'ailleurs. Pour ces raisons-là, hein, les employés sont tenus de vendre des produits à des gens qui n'ont pas forcément les moyens, et c'est pas toujours facile à vivre. Hein. Alors, également, qu'en est-il du consentement préalable du client à être facturé? Ça nous est tous arrivé. Vous constatez sur votre compte bancaire que la banque a prélevé des frais pour des frais de tenue de compte, des frais pour des virements, des frais de carte bancaire, pour des chèques sans provision, des interventions, des agios, etc. Et vous n'avez évidemment donné aucune autorisation, et en plus vous ne savez absolument pas combien ça peut vous coûter. Qui plus est, ce type de pratique touche particulièrement les personnes les plus fragiles financièrement, qui payent les plus fortes commissions. D'ailleurs, l'UFC Que Choisir a écrit que le matraquage de ses clients les plus faibles était de plus en plus privilégié par les banques. C'est très rentable. Et bon, globalement... Tu peux nous expliquer ça plus en détail? Non. On n'a pas le temps. Alors, même si de récentes lois ont amélioré la transparence sur le montant des frais bancaires, elles n'entament en rien le pouvoir unilatéral des banques à prélever ces frais. Donc nous préconisons le consentement préalable du client à être facturé pour un service et un coût précis. Oui, il y a donc du boulot dans ce domaine-là. Alors, concernant le financement de l'activité économique, qui est quand même le but du milieu bancaire, son objet social. Alors, je me suis intéressé particulièrement au financement de l'économie sociale et solidaire. Donc, là-dessus, à ce sujet, la plupart des banques ont botté en touche, car l'économie sociale et solidaire n'a pas de référence officielle. Donc, ils ne pouvaient pas donner de chiffres. Globalement, les deux seules banques qui fournissent des réponses exactes et chiffrées sont la NEF et le Crédit Coopératif. Sans surprise. 100% des projets financés par la NEF sont des projets d'économie sociale et solidaire. Et la moitié des projets de Crédit Coopératif concernent l'ESS. Donc pour le reste des banques, la dimension sociale et solidaire n'est pas du tout un critère ni positif ni négatif, c'est pas un critère du tout. Alors que pour Attac et les Amis de la Terre, le développement de ce secteur est une priorité sociale, écologique et démocratique. Pour nous, les banques devraient prendre en compte ce critère dans l'attribution des crédits et favoriser d'ailleurs des taux d'intérêt assez faibles pour ce type d'activité. Oui, précisons que le Crédit Coopératif est une banque humaniste où j'ai mon compte, où je suis sociétaire et où le Crédit Coopératif propose des livrets à agir pour des causes humanistes, terre humaniste, habitat humanisme, aides, etc. Et il est possible de refuser d'avoir des intérêts, que ces intérêts puissent financer des causes beaucoup plus nobles que d'autres que dans d'autres banques. Merci Antoine. Merci Antoine pour cette précision. Germain, toi, tu as étudié les relations entre les banques et leurs salariés. Oui, parce que bon, derrière le conseiller financier se cache finalement une entité un peu grosse qui brasse d'importantes quantités d'argent et se retrouve immanquablement gangrénée par le profit. Et lorsque cette entité est guidée par des actionnaires qui réclament 30% d'intérêt, voire plus, on aboutit à un jeu pervers où le salarié devient une sorte de variable d'ajustement. Donc la prise de risque et l'opacité s'ajoutent encore à ce mécanisme de politique salariale néfaste. L'accroissement, donc tu disais, de la part des fameux bonus, là, ces rémunérations variables, contribue à rendre plus aléatoires encore les salaires, renforce la pression exercée sur les salariés pour les obliger à vendre n'importe quoi au détriment des usagers. Ça rejoint ce que tu disais. Dans cette partie du questionnaire traitant des politiques salariales, nous nous sommes intéressés à certains critères, donc aux accords salariaux signés entre syndicats d'employés et patronat, à la part des bonus dans les revenus, au stress et aux conditions de travail, aux écarts entre les salaires des hommes et des femmes, et enfin aux revenus des plus hauts dirigeants. Donc j'ai retenu que le Crédit Agricole a négocié par exemple des accords salariaux de façon décentralisée en 2010. Les régions semblent autonomes, mais ne profitent pas toutes des meilleurs avantages, en fait. Puisqu'ils sont négociés séparément, c'est à l'avantage de l'employeur en général. Les bonus sont toujours une pratique courante, sauf un peu les deux qui sortent du lot comme toujours, le Crédit Coopératif et la Nef. Il est même surprenant que le Crédit Mutuel, qui se vante dans ses pubs d'éviter la pratique des bonus, je me souviens de ça, ça fait quand même 2 ans, je crois, à peu près, qu'il disait ça, n'a malheureusement pas répondu, laissant planer un doute sérieux sur la sincérité de leur communication de l'époque. Donc en bilan sur les pratiques salariales, la pression commerciale permanente exercée sur les salariés se heurte à leurs valeurs et leur conception du métier. Cela engendre un mal-être croissant et faute de remettre en cause les modes de management responsables de la souffrance au travail, les banques multiplient les dispositifs placebo. Donc l'équité ne règne certainement pas plus qu'ailleurs. Les hommes sortent des études plus diplômés, les femmes sortent plus diplômées que les hommes et pourtant se retrouvent avec des salaires nettement inférieurs en moyenne. C'est particulièrement vrai dans les métiers commerciaux, alors que les femmes sont éloignées des fonctions les mieux rémunérées et de celles qui sont réputées les plus nobles. Donc faut se rendre compte que ce questionnaire touche à des points sensibles quand même. Et tu as également étudié les réponses concernant l'impact environnemental et social des activités financées par ces banques. Oui, exact. Les banques françaises prêtent et gèrent chaque année des centaines de milliards d'euros et tiennent une place internationale en plus. Donc on sait que 4 des 10 plus grandes banques mondiales sont françaises. C'est pas pour fanfaronner, mais c'est pour montrer qu'avec tant d'ampleur, l'impact peut être assez colossal. Donc chaque année se développe, financé par nos banques, un grand nombre de projets controversés dans des secteurs à risque, comme les centrales nucléaires, les grands barrages, l'exploitation des hydrocarbures, donc ceux qui sont non conventionnels, un peu les sables bitumeux, le gaz de schiste, ou bien l'exploitation minière, ou même encore, ça se fait encore, les centrales à charbon. Donc tous ces projets aux impacts irréversibles participent à l'accaparement des ressources naturelles et au changement climatique, et en plus portent souvent atteinte aux droits humains des communautés locales qui, elles, désirent choisir un mode propre de développement habituellement. Donc les banques doivent tenir compte des limites écologiques de la planète, respecter les droits et assurer le bien-être des populations. Les critères d'impact sociaux et environnementaux sont parfois un peu intriqués. Dans le questionnaire aux banques, ils portent sur le montant des émissions de gaz à effet de serre, donc CO2, empreinte carbone, tout ça, la part des énergies renouvelables, la transparence des risques encourus. Donc on se souvient par exemple de Deepwater Horizon de BP. Est-ce que la banque était vraiment au courant de tout ce que ça pouvait entraîner ? La transparence en publiant les projets financés, les grands projets financés, ou bien l'implication dans des projets controversés, et puis... les critères de sélection aussi des secteurs qui peuvent être financés. Donc exemple de projet controversé, l'extraction de pétrole bitumeux, la Société Générale qui y est fortement impliquée par l'intermédiaire de Total. Pour l'instant, les plus grands gisements exploités sont au Canada, mais l'Europe ne sera peut-être pas épargnée. Des textes en retiennent encore l'exploitation, mais plus pour longtemps, il faudrait rester vigilant. Oui, tu l'as dit, hein, Germain, il y a un très très gros effort de transparence hein, dans les financements et les investissements des banques, et c'est tout l'intérêt de ce questionnaire, de se poser la question, de poser la question aux banques et de savoir ce qu'elles répondent à ça. Il y a vraiment beaucoup de travail de ce côté-là. Oui, c'est le dépouillement en fait qui peut apporter ces réponses. Oui, au niveau de l'exploitation minière, effectivement, on peut citer un exemple et un contre-exemple, à savoir l'exploitation de l'uranium au Niger. Et puis, par contre, au contraire, la non-exploitation en fait du pétrole dans le versant amazonien de l'Équateur par le président socialiste Rafael Correa. Oui, qui lui montre le contre-exemple un petit peu, c'est ça que tu veux dire? Oui. C'est-à-dire qu'il aurait très bien pu exploiter, et en fait, il a tenu compte des Amérindiens qui vivent dans cette partie orientale, donc de l'équateur amazonien, puisque ce pays-là, comme d'autres pays d'Amérique du Sud, ont un versant amazonien qui sont très riches en pétrole et en gaz, la Bolivie aussi, le Pérou. Mmh. Mmh. Je voulais juste finir en disant que la NEF, toujours bonne première, dispose en fait d'une charte sur les secteurs financés et s'accent sur les projets à dimension, comme ils disent, environnementale, sociale et culturelle. Voilà. Donc il y avait aussi l'an dernier, il y a 2 ans environ, un autre questionnaire qui avait été établi par les Amis de la Terre, qui permettait de se rendre compte des impacts environnementaux qu'avaient 1 000 euros investis dans ces grands groupes. Donc on peut le retrouver également sur le site des Amis de la Terre, je pense de manière pas... Enfin, ça doit être assez simple à retrouver en cherchant également le questionnaire dont on parle aujourd'hui. Voilà, voilà. Merci Germain. Et toi Christian, tu t'étais occupé de la partie concernant la démocratie. Oui, je me suis occupé de la partie concernant la démocratie. Bien, alors, c'est pas un mot forcément très utilisé... Dans le milieu bancaire ? Oui, dans le milieu de l'entreprise, en fait. Hein, il y a une organisation pyramidale, hiérarchisée, etc. Donc, ça existe, voilà. La démocratie, dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu bancaire, Christian ? C'est ce que je dis. Suis si très surpris. Il y a une organisation avec des chefs, le tout étant de savoir si cette organisation peut être un peu plus démocrate. Mais ce n'est pas, c'est pas cette question-là qui est posée, en fait. C'est la question des démocraties dans la société des banques, et non pas à l'intérieur des banques. Hein. On va commencer par dire la question. Hein. Xavier a commencé par énumérer plusieurs questions qui étaient sans détour. La question qui a été posée aux banques, c'est la numéro 23. Je la cite sans détour non plus. 1, 2, comment associez-vous les parties prenantes extérieures, syndicats professionnels et de salariés, associations de défense des plus démunis, de défense de l'environnement, à la définition de votre politique de crédit? Voilà. Donc ça, c'est une question claire. Alors, partie prenante, c'est un mot un peu compliqué, mais j'y reviens tout de suite. C'est une expression un peu bizarre. Bon, alors... la réponse des grandes banques n'y étonneront personne. Les clients, en particulier les PME, c'est assez net, n'ont pas leur mot à dire dans les opérations des groupes bancaires, pas plus que les associations de défense des précaires ou des plus démunis, pas plus que les collectivités territoriales, sauf quand elles s'associent pour faire du partenariat privé. Il faudrait qu'on parle un jour de ça aussi. Et encore, pas plus que les ONG et les défense de l'environnement. Alors les parties prenantes, c'est quoi? C'est ça la question de la démocratie. C'est-à-dire, est-ce que les banques qui sont détentrices de l'encaisse monétaire que nous lui apportons, nous, hein, et qui est elle-même garante de l'intégrité du système de paiement, qui sont ces deux biens communs de notre société capitaliste, de société développée, eh bien, est-ce que ces banques qui ont cette charge dans la société font participer ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire les extérieurs, ceux qui apportent l'argent, ceux qui ont un mot à dire sur la société, c'est-à-dire ce que je viens de dire, en fait, hein, les entreprises, les associations, les collectivités locales. Eh bien non. Eh bien, les banques... Oui, Germain, tu voulais dire quelque chose. C'est un peu... C'est mes sous, j'en fais ce que je veux. Et donc, c'est un petit peu ça. Hein, c'est un petit peu ça. Ils vont pas dire comme ça, eux. Hein, mais voilà. Non, ils rendent compte pas mal à leurs actionnaires. Et d'ailleurs, ils rendent compte qu'à eux, en fait. Et eux leur demandent des comptes. Pas mal. C'est aussi ça, le mode de fonctionnement. Donc, voilà, les banques sont un peu à leur aise. Il va falloir qu'on pense à faire rectifier ça. Et il faut quand même dire qu'on a été déçus aussi par les mutualistes, sauf le Crédit Coopératif qui met en avant sa gouvernance avec ses représentants de sociétés et des salariés et aussi leur collaboration avec des organismes professionnels locaux, des PME. Mais rien de réjouissant sur le domaine de la démocratie. Merci Christian. Donc en conclusion, à 19h45, deux établissements sauvent l'honneur, la Nef surtout, et dans une moindre mesure le Crédit Coopératif, qui appartient néanmoins au groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui a, lui, entretenu l'opacité sur son activité en refusant de répondre à notre questionnaire. Ces deux établissements sont loin devant le reste des banques, tant par leur prise en compte des conséquences sociales et environnementales de leurs pratiques, que par leur politique commerciale et leur prise de risque. Au classement final, sur le document que vous pouvez télécharger sur le site d'Attaque Lille ou d'Attaque France, les banques sont classées dans chacune des 5 catégories. Et donc je vous invite à regarder plus attentivement ce classement. Alors, peut-on dire que les banques prennent en compte l'intérêt général ? Non, clairement, globalement non. Nous avons vu qu'elles prennent des risques inconsidérés en recherchant des profits excessifs, qu'elles malmènent leurs clients, surtout les pauvres, qu'elles malmènent leurs salariés, surtout ceux qui sont en contact avec la clientèle. Elles négligent les conséquences écologiques et sociales de leurs décisions. Elles ne prennent en compte que le point de vue de leurs actionnaires. Christian, Quelles sont nos solutions? Merci. Il nous reste peu de temps. On va essayer de dire peu de choses, en fait, hein, sur les solutions. Alors, je crois qu'il faut prendre en compte deux choses. Une politique d'ensemble de l'Europe aujourd'hui et une politique peut-être à dimension nationale. Ce qui est aujourd'hui dans la tête des gens qui sont atterrés, ils s'appellent comme ça, les économistes atterrés, je vais en dire un mot quand même, qui sont ces économistes et qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, ce sont des économistes, des universitaires, des chercheurs du CNRS qui se disent atterrés de voir comment la situation de crise dans laquelle se trouvent les sociétés occidentales n'ont aucune réponse de la part des États et des instances internationales. Je pense évidemment à la Banque Centrale Européenne. Et lorsqu'ils trouvent une solution qui n'en est pas une, eh bien, on enfonce dans la crise un peu plus les pays comme la Grèce et autres que nous connaissons. On va reprendre les mêmes solutions. Donc les économistes atterrés sont des gens qui se plaignent très justement que les solutions qui sont prises sont toujours les mêmes et qui n'apportent pas vraiment de solution, si tant est que la solution, c'est de vivre mieux dans un pays occidental, dans un pays comme les nôtres, en l'occurrence. Alors, une première idée a été la monétisation de la dette. C'est un petit peu compliqué, c'est compliqué d'avoir peu de temps pour en parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait autoriser à la Banque Centrale Européenne de racheter la dette des États. Elle s'y refuse complètement. Le mécanisme, c'est on prête aux banques privées qui reprêtent elles-mêmes aux États. Donc on est coincé par exactement ce que disait René tout à l'heure, une espèce de chantage, une espèce de prise d'otage, au sens analytique du terme d'ailleurs. Hein. Parce que si on dit aux banques « augmentez votre sécurité en augmentant vos fonds propres », elles répètent « mais oui, mais on va augmenter le crédit ». Et donc c'est les PME, c'est les ménages qui vont subir. On est dans une situation qui est celle-là. Donc pour autant, il n'est pas question de changer quoi que ce soit au niveau de la Banque Centrale Européenne. Une autre solution, mais je n'ai pas le temps d'y venir, ce serait effectivement que les États européens prennent la décision de créer un euro, un autre que celui de l'Allemagne, que celui de la Banque Centrale Européenne, je veux dire. Le lapsus est révélateur, hein, au risque que l'Allemagne quitte d'ailleurs l'Union Européenne. Ce n'est pas souhaitable. C'est possible. C'est-à-dire qu'il faut une volonté politique pour le faire. Mais je ne crois pas que ce soit souhaitable aujourd'hui. Ce que nous préconisons pour revenir aux banques, hein, ça c'est une chose simple, immédiate. Il faut déprivatiser les banques. publiques, les déprivatiser pour les nationaliser. Mais n'en restons pas là. On a vu les dégâts qu'ont fait les nationalisations avec le Crédit Lyonnais. J'insiste pas trop là-dessus. Il fallait pas non plus que Laurent Fabius dise aux banques « faites du profit ». Ils ont réussi. Hein. Bon, c'est un échec total. Donc, on a un autre mot. C'est la socialisation. C'est-à-dire, eh bien, ce que j'ai dit tout à l'heure sur le thème de la démocratie. C'est-à-dire faire participer les fameuses parties prenantes, non pas à la gestion des banques, mais au moins à l'orientation. Leur demander leur avis, leur donner leur avis aux dirigeants des banques. Il ne s'agit pas de prendre la place, il s'agit d'être un peu une espèce de conseil d'orientation, conseil de sages. Parce que l'important aujourd'hui, c'est que les banques financent l'économie réelle et non plus l'économie financière et non plus du profit pour le profit, faire de la monnaie pour la monnaie. Voilà, je m'arrête là. Je pense que, d'ailleurs, je suis dans les temps, non ? Oui, ça va, c'est en plus intéressant, donc pas de souci. Merci. On va faire une petite pause musicale et puis on va revenir très vite pour les conseils de lecture et les manifestations à venir. Messieurs, dames, bienvenue pour cette première. Cette soirée pour dire oui au refus de la misère. Grâce à vos dons, à votre grandeur d'âme, la France d'en bas secours, enfin la France qui gagne. Vous savez que l'argent ne fait pas le bonheur. Dans 3 heures je veux voir exploser le compteur. Plus grande sera votre générosité, plus confortable leur parachute doré. Oser la charité quand je pense à tout ce que l'on pourrait faire si vous aviez la décence d'être un peu moins sectaire. Renflouer la sécu en taxant les métastases. Sauver l'avenir des banques en prélevant à la base 100% du budget prévu pour l'éducation. Et je vous parle même pas de l'effet papillon. Un chemin en fin de droit pendu dans le Maine-et-Loire. C'est un trader à New York qui reprend espoir. Pas conseil, mais nos lectures, mais conseil de lecture quand même. Ah, merci de rappeler que l'angle d'attaque, c'est sur 106,6 Radio Campus et dans Soigne ta gauche. Des lectures qui commencent, Germain, René ? Décidez-vous. J'y vais, j'y vais. C'est vrai que, en plus, je voulais en parler le mois dernier, mais bon. Je voudrais signaler une petite découverte faite au détour d'un rayonnage. Il s'agit d'une bande dessinée sortie en fin d'année dernière, Mafia Tabloïds. Donc, il s'agit de l'histoire vraie de Pépino, sicilien, rédacteur d'un journal communiste et animateur radio, qui dénonce de façon loufoque les magouilles d'une mafia dont sa famille n'est pas étrangère. Il utilise la radio amateur pour se jouer de la pègre par une fiction caricaturale quotidienne qui dérange, mettant en exergue la débilité de certaines malversations, tellement grossières qu'elles n'attirent même plus l'attention, comme cette piste d'aéroport en étude, inutile et mal placée, simple trompe-l'œil destinée à exproprier les paysans de leur terre pour la plus-value lors de leur revente. C'est l'histoire d'aéroport, là. C'est une histoire vraie. Donc c'est surtout donc, ouais, oui, aussi. L'histoire d'un procès qui débute en 78 et ne s'achève qu'en 2002. 25 ans de délibération pour épingler les responsables, sûrs de leur immunité derrière le silence coupable de la population. Loin du cliché de la mafia italienne et proche de la vie intellectuelle et revendicatrice de l'Italie des années 70, c'est une histoire grave qui entre en résonance avec la fibre militante du lecteur et qui pousse à reprendre le flambeau au lieu de céder à la peur comme le voudraient tant les commanditaires. C'est un volume issu d'une collection qui traite du crime et du meurtre. Donc, Mafia Tabloïds, l'histoire vraie d'un journaliste face à la Cosa Nostra, disponible aux éditions Ankama pour 13,90€. Merci Germain. René, tu as un bel ouvrage là. Oui, le bimensuel La Revue des Livres, un entretien exclusif avec Frédéric Lordon sur la crise de la dette. Alors l'article est costaud, il fait je crois 6 ou 7 pages. C'est un grand format en plus. Hein. Et oui, la revue est un assez grand format, oui. Et à l'intérieur de l'article, il y a en encadré des reprises du livre Le Manifeste des économistes atterrés. Donc vous pouvez le trouver, je crois, encore dans les kiosques. Voilà, donc n'hésitez pas. C'est un article effectivement très riche. 30 secondes, on vient de recevoir les économistes atterrés qui ont décidé de changer d'économie. C'est le titre de leur dernier ouvrage. Nos propositions pour 2012, pour dire ces d'actualité, on en parlera forcément à ce micro. Ça coûte 18,50 € et ça, 245 pages. Et c'est une série d'articles, différents économistes atterrés. Vous savez qu'ils ne sont pas tous d'accord, mais c'est très riche, même si ça ne propose pas une solution générale, totalitaire. Ils s'en foutent beaucoup. Antoine va nous parler des rendez-vous. J'appelle ça les rendez-vous d'Antoine, moi. Eh bien, ils sont nombreux. En Belgique, l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 autorise une personne étrangère à demander un titre de séjour si elle souffre d'une maladie entraînant un risque réel pour sa vie. 9 ter est le nom du documentaire projeté demain à l'Univers, rue Danton à Lille, le vendredi 20 janvier à 21h. Sur le même thème et dans ce même cinéma alternatif sera projeté « Les amoureux du banc public », documentaire qui fait écho aux couples franco-étrangers subissant le durcissement des politiques d'immigration. 13 couples y témoignent leur parcours du combattant pour faire valoir leurs droits, du traumatisme des arrestations à domicile et des expulsions. Ce sera le vendredi 3 février à 20h. Toujours au cinéma L'Univers, mais sur un autre thème tout aussi préoccupant, est prévue une soirée relative au monde de l'éducation. Une école des élèves est un film sur l'école ou un film dans l'école qui, sans tabou, posera les difficultés du métier d'enseignant. Ce sera le mardi 24 janvier à 19h. Je voudrais signaler que l'Univers rencontre un risque de fermeture. Pétitions et soutiens sont donc les bienvenus. Ce même jour, le 24 janvier, à l'occasion d'une conférence intitulée « Pour une critique des sondages », Alain Garrigou et Rémi Lefebvre, tous deux professeurs de sciences politiques, analyseront le rôle des sondages, leur prolifération, leur place croissante dans la politique et leur dégradation qualitative. Cette remise en question est proposée par les Amis du Monde Diplomatique à l'Institut d'études politiques rue de Trévise à Lille, le mardi 24 janvier, donc à 19h. Quant au premier cabaret de l'Union de cette nouvelle année 2012, celui-ci se penchera sur le monde des travailleurs du nettoyage urbain. Pourquoi ces métiers sont-ils toujours associés à la notion de sale boulot? Quel est le rôle des donneurs d'ordre? Quel avenir de cette profession méconnue? Ce sera comme toujours au théâtre Pierre de Roubaix, boulevard de Belfort à Roubaix, le vendredi 27 janvier, de 19h à 23h. Ce même soir, de 18h30 à 21h30, se déroulera l'Assemblée générale d'Attaque-Lille à la Maison régionale de l'environnement et des solidarités, rue Gosselet à Lille. Voilà, ouverte à toutes et à toutes. Ou adhérents ou non d'Attaque, nous discuterons notamment, pas simplement, mais notamment des prochaines émissions d'Angle d'Attaque sur Radio Campus. Vous êtes donc invités à y participer ce soir du 27 janvier prochain. Cet AG fera suite à l'Assemblée militante d'Attaque Lille qui se déroulera dans ce même lieu, quelques jours avant, le lundi 23 janvier à partir de 19h30 et qui aura pour thème les banques. Précisons qu'Attaque est partie prenante, d'ailleurs, René en a parlé au début, dans les discussions interassociatives concernant les assises citoyennes, dont la prochaine rencontre se fera à la MRES à Lille le jeudi 2 février à 18h30. N'est-ce pas, René? Voilà. Attaque vous propose une autre soirée intitulée « Les nouveaux chiens de garde ». À l'instar de l'écrivain Paul Nizan en 1932, les chiens de garde sont aujourd'hui journalistes, éditorialistes, experts médiatiques, ouvertement devenus évangélistes du marché et gardiens de l'ordre social. Après la projection d'un documentaire, le réalisateur Gilles Balbastre et l'économiste Jean Gadret animeront les échanges avec le public du Kinociné à l'Université de Lille 3 à Villeneuve-d'Ascq le mardi 7 février à 20h. Cependant, Attaque n'est pas le seul mouvement altermondialiste, puisque l'association Chiche dénonce la croissance du capital et de la consommation par le biais de projections sur le thème « Travaille, obéis et consomme ». « Amène ton pèse » sera le slogan de cette soirée ironique au cinéma L'Univers rue Danton à Lille le samedi 11 février à 20h30. Attention, si vous voulez y participer, il est alors indispensable de réserver votre place auprès de l'association Chiche via le contact électronique suivant « Devenez vous-même, sans accent minuscule et d'un seul tement, amène ton pèse.org. Notons entre-temps qu'une autre association survie reviendra sur l'indépendance du Sénégal.